طيب بسم الله الرحمن الرحيم je voudrais parler des points que le frère a évoqué inshallah ta'ala mais c'est les quatre points que tous les musulmans doivent connaître comme Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayhi dit dans les trois principes fondamentaux il dit i'lam rahimakallah annahu yajib alayna ta'allum arba'a masail al-oula al-ilm وهو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه والرابعة الصبر على الأهداف des petits éclaircissements dans ces quatre points que inshallah comme nous allons partir et nous allons voyager j'aimerais juste que ça soit clair pour nous tous ces points là le premier donc Cheikh l'Islam nous dit Al-Oula Al-Ilm. D'abord, avant ça, il nous dit Yajibu Alayna. Yajibu Alayna, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est obligatoire. Ça veut dire que vous tous, vous serez questionnés sur ces choses-là. Vous avez compris? Quand il dit Yajibu Alayna Ta'allumu Arba'a Masail, il nous est obligatoire de connaître quatre fondements, ou quatre principes, ou quatre questions hein, fondamentales. Ça veut dire que celui qui les délaisse, il est quoi? Il est dans le péché. Sahulala. Ta'allumu arba'a masail. Al-oula al-ilm. Wa kafakum amsa al-ilm. Sahulala. On parle presque deux heures du ilm. Sahulala. Taïb al-ilm. Ma'rifatu. Al-huda bidalilihi. On a donné la définition. On a dit la kamien qasim, etc. etc. D'accord? On a parlé du ilm. Sahulala. Oui ou non? Allah. J'aime bien qu'on dit oui. Non. Comme ça, on me suit. Hamd. Taïb. العلم معرفة الهدى بدليله ماذا كوا التقليد يستويان تعرف من c'est la définition de qui d'Ibn al-Qayyim alhamdulillah il y en a qui suivent ceux qui suivent j'ai pas de parfum Allah ghalib alayhi hein j'ai dit qu'il y avait un cheikh qui donne les parfums ça c'est un bon truc il devait avoir des poches remplies mashallah tout le temps avec les oudes il donnait hein mashallah donc العلم et hier inshallah c'était complet on a donné ce qu'on pouvait pour العلم فضائل العلم. الثانية العمل به. Qu'est-ce que ça veut dire العمل به؟ La mise en application. طيب. C'est ça qu'on parle là pour la da'wa. Ça là qu'on parlait là. Juste avant là, la parenthèse que j'ai fait, c'est ça. العمل به. العمل به. La mise en pratique. طيب. Comment pratiquer? D'abord, c'est quoi cette pratique? Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous bise? D'abord, la pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avant ça Allah azza wa jalla nous dit kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'al. Quelle abominable chose de dire ce qu'on ne fait pas. Quelle abominable chose de se dire que je suis un quelqu'un qui suit la sunna et qui suit les sahaba. D'accord? Quelle abominable chose de se dire de ce groupe, Inch'Allah, sauvé, de Al-Sunnati wal-Jama'a. Quelle abominable chose de se dire de ce groupe-là et de ne même pas penser à la da'wah et d'être un égoïste et de penser qu'à dormir, à manger et à sa tête et à ses enfants. Quelle abominable chose de ne pas penser à ses frères. Quelle abominable chose de se dire que je vais rencontrer Allah et j'aurai rien fait pour l'islam. C'est pas une abominable chose. Quelle abominable chose de ne pas pratiquer le peu qu'on connaît. Le peu qu'on connaît, on ne le pratique pas. Sahulala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah, il dit, Allah min fawqi sab'a samawat, d'au-dessus des sept cieux, il dit que c'est une abominable chose de dire ce qu'on ne fait pas. Azim hada, sahulala. Et le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, qui nous dit, il y a un homme, yom al-qiyama, il sera en train de tourner comme tourne l'âne mais en enfer. Yaduru kama yaduru al-himar bil-raha. D'accord, il tourne. Et raha c'est une chose qui tourne, un truc, c'est pour sortir l'eau du puits ou alors pour écraser une chose, hein? Zayt al-raha. طيب. Donc l'âne il tourne. Hein? Il te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura un homme yawm al-qiyama ou fin nar plutôt. Qui tournera autour du puits comme tourne l'âne autour de Raha. D'accord? en traînant ses intestins. Il les tire, ses intestins. Taille. Les gens viendront. Oh toi, c'est pas toi qui nous appelais au bien et qui nous كان يأمرنا بالخير et كان ينهانا عن المنكر et qui nous interdisait le blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et parle au sujet de cet homme. L'homme dira: oui, c'est vrai, je vous ai ordonné le bien. كنت أمركم بالخير ولكن لا أتيت. Mais je ne pratiquais pas. Je ne pratiquais pas ce bien. وَكُنْتُ أَنْهَاكُمْ عَنِ الشَّرِّ وَأَتِي. Et je vous interdisais le mal et je le pratiquais. Cet homme-là, il tournera comme ça, en enfer, avec ses intestins, comme tourne mal. نسأل الله عز وجل أن لا نكون منهم. Qu'Allah fasse de nous qu'on fasse partie de ces gens-là. Amen. Donc regardez, Allah nous dit كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون في سورة الصف. Et Allah Azza wa Jalla nous dit au sujet de cet homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté, hein, que la non pratique de ce qu'il connaît, c'est quoi? C'est ça la récompense. C'est ça la récompense. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون, hier on a vu c'était qui? Ceux qui ont adoré Allah sans science. Et l'ummatul ghadabiyya, celle, la communauté qui a encouru la colère d'Allah que vous connaissez tous, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a su, mais elle n'a pas tabak. قالوا سمعنا وعصينا هل نحن من هؤلاء. Qu'Allah nous préserve. Est-ce que nous on fait partie de ces gens-là? سمعنا, on a entendu, mais on n'a pas envie de pratiquer. Est-ce qu'on fait partie de ces gens-là? لا. كلا. On fait partie de ces gens-là. نعوذ بالله. صح ولا لا? Je pense qu'on est tous d'accord quand même. Qu'Allah nous protège. Donc on ne fait pas partie, inshallah, de ces gens-là. Et il faut tout faire pour ne pas faire partie de ces gens-là. Et le مغضوب عليهم, c'est ceux-là qui ont couru la colère d'Allah. علموا ولم يعملوا. وهل أنت منهم؟ نعوذ بالله أن نكون منهم. فالله عز وجل الغضب على غضب. وإذا جاء غضب الله إيش باقي يا إخوان؟ سي الغضب الله عز وجل sur une personne, qu'est-ce qui nous reste? Il reste quelque chose. Est-ce que tu vas dire يا ربي ارحمني؟ لا, tu ne pourras pas. Parce que Allah il t'a laissé, il t'a laissé, il t'a laissé, il t'a laissé, il t'a laissé, il t'a laissé. Mais le jour où il y a le غضب, خلاص. Il t'a laissé, il t'a laissé. Le jour où il y a le غضب, خلاص. Sa décision, elle est finie. Tu ne peux plus retourner en arrière. Tu peux pas dire comme dans le verset qui est dans Surat al-Mu'min, Rabbi rji'oun, ya Allah, fais-moi revenir. La'alli a'malu salihan, pour que je fasse du bien. Kalla, que non. Innaha kalimatun huwa qa'iluha. C'est juste une parole qui dit avec quoi? Avec sa bouche. Na'udhu billahi akhwan. Donc c'est le moment. Hadihi, comme il a dit le frère, hadihi darul amal. C'est là la maison de quoi? Des œuvres. C'est là qu'il faut œuvrer. C'est ce laps de temps que toi, peut-être que tu as écrit que tu auras que quoi? Encore 2 ans à vivre. Et toi, peut-être 10 ans. Et toi, peut-être 50 ans. ماذا علمت? ماذا فعلت لهذا الدين? Donc cette mas'ouliya, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas que pour lui ou pour lui. Là, lui, il conseille. Walakin, c'est pas lui tout seul. C'est nous tous. Vous avez compris ça, inshallah? هذا أول شيء. العلم والعمل به. On a rapporté quoi? Le dalil du Coran qui est dans sourate Saf, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui concerne l'homme qui sera en enfer, qui n'a pas pratiqué un sujet. Vous voyez les courtement avec ces points là الدعوة إليه. D'accord, الدعوة إليه, c'est quoi? C'est la prêche de cette chose là نعم. Cette prêche, elle est obligatoire. Allah dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. D'accord, c'est là, certes, mon chemin. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, j'appelle Allah. Avec quoi? Avec science, clairvoyance. D'accord, Et Allah Azza wa Jalla nous dit Ud'u ila sabili rabbik, hein, appelle à la voix de ton Seigneur. Et cet appel, inshallah, c'est pour vous tous. Si tu ne sais pas le faire avec la bouche, fais-le avec ton argent. Si tu ne sais pas faire avec l'argent, fais-le avec les actes. Est-ce que prendre un livre et le donner, fi sabilillah, est-ce que ça c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Est-ce que vous avez déjà organisé des week-ends comme ça pour attraper les pauvres shabab là qui n'arrêtent pas de rentrer en prison? Là, yéhouan, nous, on n'est pas une umma, nous ne sommes pas une, on n'est pas une communauté qui est avare, qui pense qu'à nous-mêmes. Ça, c'est la aqliya, c'est le raisonnement que les gens ont ici, de penser qu'à eux-mêmes, d'être égoïste. Sahulala. Mais nous, en tant que musulmans, tu n'aimerais pas voir celui-là et celui-là et celui-là et celui-là avec toi au paradis. Mais est-ce que tu as fait les efforts? C'est ça cette question qu'il faut se poser. Tu veux qu'ils soient au paradis, mais est-ce que tu as fait les efforts envers eux? Ad-da'watu ilayhi, la ayah, shurut ad-da'wah. Les trois conditions de la da'wah. Parce qu'on parle de da'wah, ça, il faut trois conditions, les frères. La première condition, al-ilm, la science. On a parlé de la science. Mais c'est quoi? C'est que toi, si tu sais que tu connais quelque chose dans cette religion, il faut que tu appelles à quoi? À cette religion. Vous avez compris? Si tu connais une chose de cette religion, il faut que tu appelles à cette chose-là. Je vous donne un exemple. Tout le monde sait faire la prière. Sahalala. Est-ce qu'au milieu de votre famille, vous avez enseigné la prière? J'ai pas envie de voir les têtes qui font ça parce que je crois qu'on est tous dans le même cas. Allah musta'al. Est-ce que vous avez appris et enseigné à vos familles comment faire as-salat, at-takbir, at-tashahhud? Là. Encore mieux, s'il y a quelqu'un qui vient dans notre mosquée qui s'est mis à prier, qui dit moi ça y est, j'arrête les bêtises, j'ai envie de prier, etc. Est-ce que celui-là on l'a enseigné? Ou est-ce qu'on a dit vas-y, va dire à l'autre là qui s'est bien enseigné, va lui dire qu'il. Et on remet tout le temps là. Allez hop là, l'autre là. Tout le temps, miskin, il se ramasse tout. Après, oui, il crache, il dit allez, khlas, salmoune, tranquille. Hein, laissez-moi tranquille, vous m'avez. Wesh, j'ai pas de vie, j'ai pas de famille, j'ai pas de ça. Parce qu'attention, ceux qui font da'wa, aussi, ils ont une famille, ils ont des enfants. Sahalala. Et donc, il faut alléger cette responsabilité. Pour alléger cette responsabilité qu'on donne au da'i, à la pleur, à celui qui appelle Allah, comment l'alléger? En se responsabilisant qui? Nous-mêmes. Tous vous avez compris, Inch'Allah, cette chose-là. Donc la responsabilité de la da'wah. Ad-da'watu ilayhi. Le premier charte, c'est quoi? C'est l'ilm. Mais attention, l'ilm, ça ne veut pas dire. On sait que le ilm, c'est vaste. Mais toi, tu sais ce que ça veut dire, la ilaha illallah. Enseigne-le. Balligh anni walaw aya. Enseigne-le. Tu sais comment faire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'as lu, tu sais, tu connais par cœur tous les du'as, toutes les choses et tout. Eh bien, rappelez-le vous. Même dans les mosquées, faites un cours de sifat al-salat. Entraînez-vous à faire des cours de sifat al-salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne savez pas, ben prenez l'ordinateur et mettez quelqu'un qui sait enseigner la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en l'écoutant, vous tous, même avec les belles baffes là, mashallah, Sony là qu'on voit, hein, Allah mabarak. Vous pouvez l'écouter ce dars là, même en français, alhamdoulilah. Il y a le frère Abu Anes qui a des cours sur internet, il y a le frère Abu Luqman qui a des cours, il y a le frère Sidati qui a des cours, il y a le frère Soufiane qui a des cours, des frères masha'Allah qui comprennent la langue française et qui comprennent la langue arabe et qui peuvent vous enseigner. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je dis? C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce qu'on fait l'effort? Ça c'est une autre chose. Sahulala. Donc il y a Ikhwan, elle. Ad-da'watu ilayhi, les conditions de la da'wa, la première c'est l'ilm. Celui qui connaît la salat, qu'il enseigne la salat. Celui qui sait comment faire siyam ramadan, qu'il enseigne le ramadan. Celui qui sait comment zakki min al-mal, il enseigne. Celui qui connaît une vérité, qu'il la dise. Pas tout ça, sallu kama ra'aytumuni usalli. Celui qui sait hajj, qui sait faire le hajj, qu'il enseigne le hajj. Le hajj arrive, attraper les gens là qui vont au hajj et enseigner-leur le hajj. Celui qui dit. Tu ne sais pas enseigner le hajj, mais allez, donne un livre qui enseigne le hajj. T'as pas d'argent, faites une collecte. Par exemple, une bonne idée. c'est que là le hajj il arrive, ça ou là. À mon avis, il y a des gens dans cette mosquée qui vont faire le hajj. Pourquoi on n'achète pas, par exemple, avec une association, comme j'ai dit, comme tout à l'heure on a parlé, des frères, vous mettez ensemble, eh bien vous prenez des CD, comment faire le hajj. Et il y en a, Cheikh Al Uthaymeen, en plus en sous-titré, etc. Maintenant ils sont bien faits les trucs. Eh bien vous achetez un carton de cette chose-là, de trucs, et vous distribuez autour de vous. Ah ben c'est simple ou là c'est dur. Chiatan, il veut quoi. Regarde. Khalek. Après, plus tard. Je sais que t'as les cheveux blancs, tu dis, la vie, elle est passée vite. Là, Yahwan, maintenant. Al-An, maintenant. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, Inch'Allah. Ça, c'est le char de la dawa al-ilm. Al-ilm, la science. Il a ma tad'u, il est. Pareil, c'est pas tout le monde qui va parler aux chrétiens. Ou c'est pas tout le monde qui va parler à des sectes, etc., etc. C'est pas tout le monde qui va vouloir appeler à Allah que quelqu'un qui aide la science. Mais maintenant, tu n'es pas capable. Ben, prends un livre, prends une cassette. Hier. Kun da'iyan. Il y a une cassette de Salah al-Shir qui dit Kun da'iyan, soit un prédicateur, soit un prêcheur. Mais avec quoi? Avec un livre, avec une cassette. Il y a des témoins de Jéhovah qui font da'wah. Et vous les voyez. Et il y a des tas de doctrines, des tas de croyances qui font da'wah. Et qu'ils appellent leur da'wah. Nous, on est dans din al-haq. Din al-haq. Est-ce que vous avez un doute sur l'islam? Vous n'avez aucun doute sur l'islam? Ben pourquoi on ne rend pas victorieux cet islam? C'est que le problème, il vient de nous, ya khouan. Sah ou lala? Taïb, ça c'est une chose. Donc, al-ilm. De toutes les manières, al-ilm. Tu ne sais pas, eh ben achète. Tu ne peux pas acheter, demande une quête. Tu n'as pas, ça m'étonnerait. Fais du'a. Et Allah y rizouqak, et Allah va te faciliter avec la bonne niyyah. Sah ou lala? Taïb. Al-ilm. Ça, c'est la première condition. Attention, je vais reposer ces questions. La première condition de la da'wah. La deuxième condition de la da'wah, c'est quoi? Ma'rifatul mad'u. Connaître l'appelé. Est-ce que tu vas appeler quelqu'un qui s'appelle Mohammed et qui ne fait pas la salat? Est-ce que tu vas l'appeler Allah comme si tu appelais Michel qui ne croit pas en Dieu? Est-ce que c'est la même chose? Là, avec, tu vas lui dire, Dieu il existe, Yahri, malgré que maintenant il y a des Mohammed et des Abdullah et des ceci qui aboutent Shaitan. Hein. Heureusement. Ah, malgré qu'il y en a maintenant, c'est quoi? C'est la doctrine, la croyance, elle est complètement sortie de son cœur. Mais, dans tous les cas, Mohammed, celui qui a une base de musulman, tu vas venir avec un petit livre, pourquoi la prière? Sah? Tawhidullah Azza wa Jal. Hein? La Shahada, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas venir et tu vas l'appeler Allah Azza wa Jal. Organiser des choses, organiser des week-ends spécialement pour la da'wah. Un jour dans le mois, tu seras responsable, Inch'Allah, et même Allah Azza wa Jal, de ce jour que tu as donné pour Allah. Et Allah, il va t'aider à réaliser tes projets. Toi qui veux partir faire la hijra, Allah, il va te faciliter tes projets. Pourquoi? Parce que celui qui aide ses frères, il est dans l'aide de qui? C'est qui va l'aider? Allah Azza wa Jal. Yadullahi ma'al jama'a. La main d'Allah est avec qui? Avec le groupe. Soyez un groupe uni. Kounu ibadallahi ikhwana. D'accord? Kounu ibadallahi ikhwana. Soyez des frères unis. Soyez comme le même corps. Quand quelqu'un il a un souci, il faut penser à lui. Il faut penser à celui qui a faim. Il faut penser à celui qui n'a pas. Il faut penser à celui-là. Donc, al-ilm wa ma'rifat al-mad'u. La connaissance de celui qu'on appelle. Et la connaissance de celui qu'on appelle, je vous ai expliqué que ça divergeait, hein, d'une personne à une autre. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taï. La troisième, c'est quoi? Comment authentifier cette prêche? Comment la rendre sahiha? Le moyen de cette prêche-là. Il y a des gens, tu vas peut-être être dur avec lui et crier dessus, il va tout de suite t'écouter. C'est vrai, c'est fou. Mais il y a des gens qui n'y arriveront jamais. Il faut y aller avec quoi? Avec douceur. D'accord? Il y a des gens, la dureté, ça va marcher. Et il y a d'autres gens, c'est quoi? C'est la douceur. Mais tu vas me dire, ouais, mais comment je fais alors? C'est la douceur ou la dureté? Comment je fais? Moi, je ne sais pas. Al-asl, la base de la da'wa, c'est quoi? C'est la douceur. Al-rifq. Regardez Moussa, alayhi salatu wassalam, et son frère Haroun. Hein? Allah Azza wa Jal, il l'a envoyé à Pharaon. Est-ce qu'on connaît un tyran plus pire que Pharaon? Non, il n'y a pas plus pire que le tyran que Pharaon. D'accord ? Allah l'a cité plusieurs fois dans le Coran à Pharaon, qui a dit Ana Rabbukum al-A'la. Taïb. Ce Pharaon, Moussa, quand Allah Azza wa Jalla l'a envoyé, Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit Qul lahu qawlan, faqula lahu qawlan layyinan, la'allahu yatadhakka wa yakhsha. D'accord ? Dites-lui une parole douce, afin que quoi ? Afin qu'il se rappelle. Afin qu'il se rappelle. Et afin qu'il, peut-être que la crainte va venir. Vous avez compris ça, Inch'Allah. Donc, al-ilm, la science, la connaissance de la plaie, la conna- et la manière d'authentifier cette prêche-là. C'est ça les conditions de la da'wah. Tu connais ces trois conditions, elles vont t'aider toute ta vie à faire la da'wah. Tu connais pas une personne, toi. Tu sais pas comment il va réagir, etc. Faut déjà que tu le... Tu regardes, hein, tu regardes comment qu'il est. Tu ne vas pas, tu t'aventures à quelqu'un, tu ne sais même pas comment qu'il est, et comment dire, tu vas lui parler. Ou tu ne sais même pas si c'est une telle croyance, et tu vas, tu t'aventures avec lui. Parce que peut-être que lui, il connaît mieux l'islam que toi, comme le frère nous a dit. Les orientalistes, des fois, ils connaissent mieux le dîn que nous. Na'am. Ils connaissent plus de hadith que nous. Na'am. Mais eux, c'est pour un autre but qu'ils connaissent les hadith. Et à mon avis, vous l'avez deviné, c'est quoi le but. Donc, na'am. Donc vous avez compris ça, incha'Allah. Est-ce que vous avez compris ces choses-là? Les trois shorot de la da'wah. Oui. La da'wah tu y es. Mais attention, il reste quoi? Al-sabr alal ala fi. La patience sur le mal qui a été engendré, hein, par ces choses-là. Taïb. La patience, Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois dans le Coran, tasbir, sahmin, fasbir, wali rabbika, fasbir, ça. Et plusieurs ordres, hein, plusieurs ordres sont venus dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi? De patienter. Il lui a pas dit, il a pas dit tahannam, yani soit compatissant, ou soit gentil, ou fais-leur un sourire, ou fais-leur... Il n'a pas dit ça, Allah Azza wa Jalla. Il a dit, asbir, patiente. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi Allah, il lui a donné que ce caractère-là de la patience? Naam. Mais, plus précisément, pourquoi la patience? Et il n'a pas donné les autres... qualités, hein, plus que la patience. Pourquoi? Parce que la patience, c'est la base. C'est la base, la racine de tous les bons comportements. Allahu Akbar. Tu veux être halim, tu veux être compatissant, il te faut de la patience. Tu veux être gentil, tu veux être doux, rafiq. Rafiq, tu veux être doux, la patience. Sahalala. Tous les bases et tous les comportements, ils reviennent à quoi? Ils reviennent à la patience. Tous les bons comportements, ils reviennent à quoi? Ils reviennent à la... à la patience. Sabr. Et vous savez tous en combien il se divise à sabr. D'accord? Vous avez sabr qui se fait pourquoi? Le sabr qui se fait pourquoi? Le sabr à l'obéissance. Car faire l'odo le matin, prendre la voiture, démarrer la voiture, aller à la mosquée, hein, et revenir, ça demande quoi? Ça demande du sabr. Sahulala. Faire le hajj, ça demande du sabr. Donner de l'argent, fisabilillah, ça demande du sabr. Tout ça, ça demande du sabr. La soumission totale à qui? Rabb al-samawati wal-ard. Tout ça pour qui? Rabb al-samawati wal-ard. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première patience. La patience qui est sur l'obéissance. La patience sur la désobéissance. Car nous, on est des êtres humains. Il y a des passions qui nous appellent. Sahulala. Il y a... Alhamdulillah, vous connaissez tous ces passions, on ne va pas rentrer dedans. Hein, hein, le mal, Iblis, il nous appelle tous les côtés. Tiens, il y a une porte là, viens. Toi là qui aime bien les femmes, là, viens par là. Toi là qui aime l'argent, là, viens par là. Et toi qui aime ça, viens par là, etc. etc. Et Iblis, il vient de tous les côtés. Hein, je vais essayer tous les égarer. Dans notre verset, hein, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis, il va essayer de quoi? De venir de tous les côtés, devant, derrière. Iblis. Allah Azza wa Jalla nous a hadar d'Iblis. Il nous a dit, فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا. Prenez-le comme ennemi. Il ne nous a pas dit seulement c'est notre ennemi. Mais il nous a dit, prenez-le comme quoi? Comme ennemi. Ça veut dire qu'il faut se protéger de lui et se méfier de lui. Donc regardez, hein, ça c'est quoi donc? On parlait de quoi là? On parlait de la patience sur la désobéissance. Et ensuite, la dernière patience c'est quoi? C'est la patience sur aqdar. Aqdar illah. As-sabru ala aqdar illah. D'accord? As-sabru ala aqdar illah. C'est-à-dire la patience sur le destin qu'Allah t'a écrit. Cette patience-là, elle est obligatoire à tout croyant. Car la personne, lorsque lui arrive une épreuve, il a 4 degrés devant lui. Vous me suivez ou pas? Attention, là j'ai mis 4, 3, 2, 1, 3, 1. Koro. Ça va vous suivre, Inch'Allah, ça va tenir, Inch'Allah, toute la vie, Inch'Allah ta'ala. 4 degrés. Dès que l'épreuve, elle arrive, c'est quoi une épreuve? Quelqu'un est mort, un de tes proches, ou il t'est arrivé une maladie, ou tes enfants, tes proches, ou t'as perdu ta fortune, etc., etc. Les épreuves, elles sont nombreuses. Allah dit, Ahasib al-Nas. Est-ce que les gens, ils pensent qu'ils vont dire nous avons cru, hein, et qu'ils vont être délaissés comme cela et qu'ils vont dire nous avons cru sans qu'ils soient éprouvés? Allah, de sa sagesse, il veut t'éprouver pour voir le niveau de la foi que tu as, afin de t'éduquer, afin de voir si tu es vraiment un croyant ou pas. Parce qu'une vie sans épreuve, sans test, une vie sans épreuve et sans test, c'est pas... Allah, il sait si tu es un menteur ou tu ne l'es pas. Mais avec le test, regardez la hikma qu'ils ont dit les savants, la sagesse. Ils ont dit, tu ne pourras pas dire, Yom al-Qiyama, tu ne pourras pas venir, Yom al-Qiyama, en disant, Ya Allah, si tu m'aurais testé, eh ben, tu aurais vu que je serais à la hauteur. Ah, regardez la hikma. Tu ne pourras pas dire ça, Amam Allah. Pourquoi? Parce qu'il t'a testé, fi hadhihi dunya, pour voir si t'es vraiment véridique ou pas. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, les tests qui nous arrivent et les épreuves, c'est bien pour voir et que tes propres actes vis-à-vis du cœur, vis-à-vis de tes actes et ta bouche, etc., tes propres actes, t'es témoignant contre qui? Contre toi. Devant qui? Devant Allah. Et c'est pour ça qu'Allah, Azza wa Jalla, il a mis le test et il a mis les épreuves dans cette vie-là. 4 degrés devant l'épreuve. Le premier degré, c'est que qu'Allah nous préserve tous de ce degré-là. C'est quoi? C'est la colère. Il y a une épreuve qui arrive, ton père il est mort, ou tu as perdu ton argent, ou etc., etc., dans une affaire, ou etc. Allah il t'a éprouvé. Le premier degré, c'est quoi? C'est la colère. T'es en colère, mais a'oudou billah, t'es en colère contre qui? Contre le qadar d'Allah, contre le destin qu'Allah t'a écrit. T'es en colère contre ça. Tu n'acceptes pas ça. Tu dis Allah, a'udhu billah par exemple. Hein, tu dis Allah, pourquoi tu m'as fait ça? Qu'Allah nous préserve tous de ça. Et ça, malheureusement, tu le vois dans nos musulmans qui vivent ici. Ya Allah, pourquoi tu m'as donné des enfants comme ça? Tu les entends, les pauvres mamans. Hein, les pauvres mamans et les pauvres personnes qui n'ont pas beaucoup de science et qui ne connaissent pas, hein, qui ne connaissent pas, hein, la religion. Donc, le premier degré, c'est quoi? C'est la colère. La personne, elle est en colère contre Allah. Qu'Allah il nous préserve tous. Et ce degré-là, il a plusieurs degrés, aussi ce degré-là. Mais il va du haram, il va de l'interdiction, jusqu'à quoi? C'est-à-dire la interdiction qui est quoi? Qui est une désobéissance. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la mécréance. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décidé une chose, tu dois quoi? Tu dois te soumettre. C'est-à-dire, et ça, la meilleure manière d'accepter l'épreuve, c'est quoi? C'est de te dire qu'elle vient d'Allah. Vous avez compris? Tu te dis pas, ya subhanallah, j'ai perdu mon argent. Ya subhanallah, ma femme, elle est morte. Ya subhanallah, ceci, cela. Là, tu te dis, ya subhanallah, Allah, il m'a mis une épreuve. tu la regardes sous ce contexte-là, sur un autre œil, c'est Allah qui t'a mis cette épreuve. Et pas l'épreuve toute seule qui est venue. C'est Allah qui t'a mis cette épreuve. Si on la regarde sous cet angle-là, est-ce que on va patienter ou on ne va pas patienter? Inch'Allah, on va patienter. Donc le premier degré, c'est la colère. Et je vous ai dit, qu'est-ce que incombe cette colère-là, hein, la colère contre le qadar d'Allah, contre le destin d'Allah. Le deuxième degré face à l'épreuve, c'est as-sabr, c'est la patience. Parce que si t'es pas en colère, c'est que t'as patienté. Et patienter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as paralysé ou bloqué ton cœur contre toute chose qui pourrait déplaire à Allah. C'est comme si tu le bloquais, ton cœur. Tu le bloques. Ah non, je veux pas dire des bêtises. Je veux pas croire des bêtises. Je prends mon cœur et je le stoppe avant qu'il se déchaîne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah dit ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. D'accord? Tu dis ces paroles, que les paroles que quoi? Qui font plaisir à Allah. Tu patientes. Tahbis hadhihi an-nafs. Habsun nafs. Habsun nafs. Tu l'arrêtes, ton nafs, avant qu'elle décolle et qu'elle aille dire des choses ou faire des choses ou croire des choses. Vous avez compris? Faire des choses avec les actes, croire des choses ou dire des choses qui sont contraires à quoi? À la patience. Fahimtum hadha? As-sabr, c'est le deuxième degré. Et ce sabre-là, c'est quoi? C'est obligatoire à tout musulman. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Ben, ça rentre dans quoi? Dans l'iman, billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyoum al-akhir, wa bil qadari, khairi, wa shahri. Ça rentre dans ça. C'est pas seulement si base de l'iman, ouais, bon, ça y est, j'y fous. Non, il y a des choses derrière qu'il faut que tu apprennes, qu'il faut que tu saches. Et qu'il faut que tu mettes en pratique al-amalu bihi. Vous avez compris? Le premier degré, la colère. Le deuxième degré, as-sabr, qui est obligatoire à tout le monde. Le troisième degré, et ça c'est un degré que je pense pas, Allahu alam, hein, qu'on a, c'est al-rida. Al-rida, c'est quoi? C'est que tu as agréé cette musiba. Tu l'as accepté. T'as même pas patienté, t'as accepté. C'est un peu plus haut. Il y a la patience. Mais il y a Reva. Reva, il est au-dessus de la patience. C'est-à-dire que cette chose-là, elle est arrivée, t'as dit, Alhamdulillah, je l'ai accepté. Ça, c'est un autre degré, ça. Quand tu viens, tu lui secoues les poches, et ah, hein, mon frère, où tu vas là? Tu veux me tirer mes poches, hein? Moi, je vais te tirer les cheveux si tu me tires les poches. Hein? Bon, ça ne veut pas dire que tu dois te laisser faire. C'est ton haq de ne pas te laisser faire. D'accord? Walakin, ce que je veux dire, c'est que Reva, c'est un autre degré. C'est un autre degré que quoi? Que la patience. Le degré qui est au-dessus de tout ça, et ça, je ne crois pas qu'on l'a, mais encore moins qu'il y ait Reda. Hein. Déjà, la patience, c'est comme ça. Il ne faut pas parler de Reda ou de la chute. Hein. Mais déjà, la patience, c'est Hakka. Le plus grand degré, c'est quoi? C'est un choukr. Tu as un accident de voiture. Ton fils, il vient d'être coupé en morceaux quand il le préserve. Tu fais ce jus de choukr. Alhamdulillah. Moi, Allahu alam, hein, j'ai pas connu des gens comme ça. Hein? Allahu alam. Tu fais ce jus de choukr et tu dis Alhamdulillah. Alladhi btalani bihada wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça lui, il a dépassé le rida là, ça y est là. Sahou là. Comme Cheikh l'Islam. Cheikh l'Islam, il m'a ramené en prison, il était en train de me tirer comme ça. Il regardait comme ça la prison, il pleurait. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, vous savez pas comment je suis content. Ils allaient le mettre dans le habs. Vous savez pas comment je suis content d'avoir cette épreuve. Et si je pouvais donner les trésors de Misr, hein, de l'Égypte, et l'or de la Syrie, du Shem, hein, qui recoupe tous ces pays-là, la Syrie, Jordan, etc. Si je pouvais donner tout ça en vous récompensant de m'avoir fait ça, je l'aurais fait. Et moi, je comprends pas, moi, dans quelle vie il vivait cet homme-là. Vous comprenez, vous, ça? On arrive à le comprendre parce que on sait qu'il avait un niveau de foi qui n'est pas égal au nôtre. Mais est-ce que vous vous imaginez ça? Il pleure de joie. Choc. Quatre malades devant l'épreuve. Qui? T'es dans quel degré de ces quatre degrés-là lorsqu'il t'arrive une épreuve? Ça, c'est une question que vous devez tous vous poser, incha'Allah ta'ala, lorsqu'il vous arrive une épreuve. mais qu'Allah fasse qu'au moins on fasse partie des sabirim, des patients. Taïb. Donc on était où? On était au sabre. Il se divise en trois. Devant l'épreuve, 4 maratés, 4 degrés. Sah, taïb. Ad-da'watu ilayh. Et je vais vous raconter une histoire avec Ad-da'wa. Parce que tout à l'heure, on a dit quoi? On a fait une parenthèse sur quoi? Sur la da'wa. Donc, est-ce que vous me promettez tous, incha'Allah ta'ala, que vous allez faire un effort? Celui qui lève la main, nas'Allah azza wa jalla, je lui fais dua tout de suite. Yallah. Tous. Nas'Allah azza wa jalla an yassira hadha al khair. Wa an yubarika fikum, et qu'Allah vous donne ce que vous voulez, fi dunya wal akhira. Moi aussi. Donc vous avez levé la main. Attention, il y en a un, il va venir. Hein? J'ai pas envie de citer son nom, il va venir et va vous demander des comptes. Ah, t'as dit khlas, je vais faire un pacte pour la da'wa. Ta'al, viens ici là. D'accord? Khair, inshallah. Qu'Allah y facilite. Donc, al-sabr, hein? Je vous raconte une histoire avec sabr pour la da'wa, comme ça, ça va vous encourager. J'ai connu deux histoires qui m'ont choqué dans ça, dans la da'wa. Et le sabre qu'avait eu la personne dans ça. Il y a une personne qui était dans un pays d'Asie et il a fait la da'wa à une autre personne. Mais cette personne-là était complètement yani, mushrik. Hein, c'était un polythéiste. Il adorait je ne sais pas combien de divinités, le moyen. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers lui, le musulman. Il lui a dit, voilà, Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur, c'est lui qui t'a donné, c'est celui qui t'a fait. La ta'abud ilallah, la ta'abud du prophète, n'adore que Allah, Allah c'est lui ton créateur, etc. L'autre, il lui a dit, tu ne me parles pas, toi. Dégage. M'chi. Voilà. Rah, comme il dit, c'est rah, m'chi. Tu ne parles pas avec moi. L'autre, il a insisté. Il a pris un marteau, il a frappé le crâne comme ça. Il a fracassé son crâne. Il est parti aux urgences. Le musulman est parti aux urgences. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Ils l'ont opéré. C'était grave ce qui lui était arrivé. Qu'Allah le préserve. Et je ne sais pas s'il est encore vivant ou mort. Mais s'il est mort, qu'Allah le fasse miséricorde. Il l'a appelé à Allah Azza wa Jalla. Donc il lui est arrivé toute cette mosiba-là. Vous savez ce qu'il a fait cette personne? Quand il est à l'hôpital, il a appris que celui qui lui a mis un coup de marteau, il était rentré en prison. Toi, khlas, tu t'arrêtes là, chefé, hein, comme il dit. Ah, il est rentré en prison, hein, Allah izid nous. Ça, là, là. Lui, il a été plus loin, Yahweh. Hada, il a été plus loin. Hada, c'est un dars pour nous tous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de ses nouvelles. Il lui a envoyé de l'argent en prison. Il s'est occupé de lui alors qu'il était en prison. Et personne ne s'occupait de lui. Il n'y avait que lui qui s'occupait de lui. Il est sorti de prison. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Toi, tu n'es plus. Si tu as patienté pour une chose comme ça, tu es venu que avec une vérité. Que avec la vérité. Pas une vérité, que avec la vérité. Regardez la sincérité et la patience. Jusqu'au bout, il a patienté. Un autre, un jour, il a parlé avec lui, il était dans un salon de thé ou un café. Et vous connaissez les tawana, ils sont un peu durs. Hein? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ça va, etc. Il lui a parlé. Il lui a jeté un café, il lui a craché dessus. Et dégage. Sakina les da'i. Allah musta'an. Hein? Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Il a patienté. Il l'a essuyé. Il est parti au mosquée. Il est parti à la mosquée et il lui a dit, Khair, inshallah. Il est parti. Et l'autre, quand il a vu ce comportement, il a pleuré. Allah, j'ai fait quelque chose de grave, etc. etc., etc. Regardez le bon comportement. Vous savez où c'est qu'il l'a trouvé au Maghreb? Il l'a trouvé à côté de lui, il faisait salat. Parce que quand tu patientes, c'est pas. Toi, quand tu fais da'wah, c'est pas pour toi-même. C'est pour qui? C'est pour Allah, ça veut dire. Quand tu patientes, c'est pour qui? C'est pour Allah, ça veut dire. Moi, une fois, je suis rentré dans une mosquée. Bon, j'ai voulu dire que ça, c'était pas très bien d'avoir fait ça, etc. Peut-être que je me suis mal pris, bon ça arrive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a attrapé comme ça. Ils ont voulu me frapper. Et toi, il m'a regardé comme ça. Mais bon, moi, t'as refoué, on a grandi en banlieue, la ralbe, elle est là. Vous savez comment que ça se passe en banlieue, hein? Il y a quelqu'un qui te regarde de travers, il y a les mains qui se préparent, il y a les têtes, la moustache. Alhamdoulilah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai patienté. Il m'a tiré, l'autre il m'a tiré, l'autre il m'a tiré, ils m'ont tous tiré. J'ai fait quoi? J'ai commencé à marcher en arrière, classe. Tu sais, j'ai commencé à marcher de plus en plus vite. Après, il a dit c'est une bid'a, tu marches pieds nus et tout. Alors que j'avais des claquettes, il me dit c'est une bid'a, tu marches pieds nus. Et je suis parti. Khalaytoum, je serais resté, qui serait passé. Mais bon, eux, c'était quand même des gens un peu spéciaux. Hamtoum. Donc, voilà mes frères pour la patience. Ceux qui ont levé leurs mains, Inch'Allah, ta'ala, comme on a dit, on leur fait dua et qu'Allah facilite cette da'wa là, Inch'Allah ta'ala. Tayyib. Donc voilà, al-da'watu, al-ilm, alhamdulillah. Al-ilm c'est quoi? Récapitulatif. Al-ilm c'est quoi? معرفه الهدى بدليله la connaissance de la guidée avec quoi? Avec sa preuve. العمل به, c'est quoi les deux dalils qu'on a dit du Coran et de la Sunna? Oui, j'ai déjà oublié. Surat Saf, d'accord? Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. طيب, le hadith c'est quoi? Dites le même en معنى en français. L'homme qui tourne à l'enfer, hein, qui lui diront voilà, hein, cet homme là qui nous appelait au bien et qui ne le faisait pas, et qui nous appelait au mal et qui le faisait, ce mal là. On a parlé de la da'wa. Trois chorotes pour la da'wa, qui c'est qui me cite? La deuxième, la connaissance de la personne. Troisième, non, pas le hikma. Mais le hikma, c'est proche. Hein? Le comment faire. Le comment faire passer cette da'wa. Voilà, on va dire comme ça. Comment faire passer cette da'wa. Ça, c'est la troisième condition de la da'wa. Taïb. Ensuite, il y a quoi? Il y a sabr. Sabr. Sabr, c'est quoi? C'est la patience. Elle se divise en combien? 4. La patience. Elle se divise en 3. Taïb. La patience sur l'obéissance, la patience sur la désobéissance, et la patience sur le destin d'Allah. Face à une épreuve, on a 4 degrés. C'est quoi les 4 degrés? La colère, la sabre, l'acceptation, ouais, et remerciement. Alors, soit la colère, soit la patience, l'acceptation, c'est-à-dire l'agrément, la na'am, rida, et shukr. Shukr qui est quoi? Qui est le remerciement d'Allah pour cette épreuve. On a dit que c'était un haut degré. Taïb. Ensuite, on a dit quoi? Voilà, on s'est arrêté sur As-Sabr. Écoutez bien maintenant. Allah Azza wa Jalla dit Wal Asri. Par le temps. Allah il jure par ce qu'il veut. Allah il dit Wal Asri. Il jure par le temps. D'accord? Wal Asri. Inna l'insana la fi khusri. Certes, l'homme est en perdition. Illa. Sauf. Illa alladhina amanu wa aminu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Tayyib. Wal asri, خلاص, on a compris ce que ça veut dire. Inna al-insana la fi khusrin, on a compris ce que ça veut dire. Illa alladhina amanu. D'accord? Sauf ceux qui ont cru. Pour croire, il faut quoi? Il faut l'ilm. Pour croire, il faut quoi? Il faut l'ilm. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. C'est quoi? Al-amal. Sahla la. Vous me suivez, c'est l'amal. Oui? Taïb, c'est l'amal. Taïb. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi. Et qui se sont conseillés entre eux quoi? Mutuellement. Quoi? Al-haq. Taïb, c'est lequel? Al-da'watu ilayhi. Al-da'watu ilayhi. Taïb. Wa tawasaw bil sabr. Khalas. هذا الدرس المفهوم لديكم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب الخير, أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. J'aurais voulu vous faire un dars, je ne sais pas si j'aurai le temps, Allahu alam. En tout cas, voilà, inshallah, pour ceux qui se sont dit qu'ils allaient faire, inshallah, un effort, et bien qu'Allah vous écrit ce ajr, inshallah, on verra donc avec certains frères comment que les gens vont s'organiser. En tout cas, je vous remercie. Je remercie l'association pour le temps qu'ils nous ont donné, pour l'accueil qu'ils nous ont accordé. Et ya ikhwan, faites du'a inshallah pour vos proches, hein, c'est-à-dire que Allah les remette dans le droit chemin. Inshallah, n'oubliez pas. Vas-y, dis tout de suite. Nardim, il va dire la qissa. Moi, je vais raconter la qissa. Une qissa qui est merveilleuse, inshallah ta'ala. Vous savez que une asbab de khul ahl al-jannah, parmi les causes pour rentrer au paradis, il y a plusieurs causes. Al-muhafaza ala salawat, taqwa Allah azza wa jal, d'accord, la crainte d'Allah, faire la prière, etc. Tout ça, c'est des causes pour rentrer où? Au paradis. Mais l'une des plus grandes causes, et que j'aimerais que vous tous appliquiez cette cause-là, inshallah ta'ala, c'est quoi? C'est birr al-walidayn. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et certes ton Seigneur a ordonné, hein, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et certes ton Seigneur n'a ordonné de n'adorer que lui. صح ولا لا؟ Vous suivez le verset. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et avec les parents, bonté pieuse. Il a ordonné avec les parents bonté pieuse. طيب. Les savants, ils ont dit, Allah, il a parlé de son droit d'abord. Il a ordonné qu'on l'adore. D'accord? Mais ensuite, il a donné le droit de qui? Le droit des parents. Pourquoi Allah, il a mentionné le droit des parents juste après le sien? Subhanahu wa ta'ala. Indakum. Pour donner l'importance. Zid. Taïb, on va répondre, inshallah. Pourquoi? Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, après Allah, qui c'est qui a été plus bienfaisant? Après Allah pour nous, c'est qui a été plus bienfaisant? Muhsin, c'est qui? C'est nos parents, et plus particulièrement la mère. C'est pour ça qu'elle a plus de choses que le père, et elle a plus de droits que le père. Vous avez compris ça, inshallah ta'ala? Donc regardez, Allah, il nous a ordonné la bonté dans le Coran. Et pour remercier cette bonté envers nos parents, malheureusement, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à la remercier. Et pour vous donner une image de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y avait un homme qui voulait partir. Il voulait partir en expédition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Il lui a dit, ya Rasulallah, il dit, je veux partir. Il lui a dit, est-ce que tu as des parents? Hein? Il lui a dit, na'am. Il dit, fafihima fajah. Avec eux, il faut que tu fasses, hein, la grande lutte, c'est-à-dire que tu restes avec eux et que tu t'occupes d'eux. Vous avez compris ça, inshallah. Donc birr al-walidayn, hein, la bonté pieuse envers les parents, c'est une grande œuvre. C'est une grande œuvre, ça c'est le dalil de cela. Et pour vous donner une image du remerciement que nous on doit avoir envers nos parents, c'est l'imam Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab, qui était un jour devant le Kaaba. Il y a un homme, il est passé. Il avait sa femme, il avait plutôt une femme derrière le dos, qui était sa mère. Et il la portait. Vous imaginez? Quelqu'un qui porte sa mère sur son dos. Et il tournait comme ça, il faisait le tawaf. Quand il faisait le tawaf, il est venu un moment vers Abdullah ibn Omar, qui était un des plus grands savants de la communauté. Et qui était quelqu'un qui fassir le Coran, Abdullah ibn Omar. Il lui a posé la question, il a dit, ne vois-tu pas que je le remercie ma mère? Yani, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bien là quand même. Hein, j'ai porté ma mère quand même. Yani, je suis quelqu'un de bon envers mes parents. Tu sais, vous savez ce qu'il lui a dit Abdullah ibn Omar? Il lui a dit, t'as même pas remercié une contraction. T'as même pas remercié une contraction envers ta mère. Et l'histoire que je vais raconter, inshallah ta'ala, pour vous donner l'importance de birr al-walidayn, c'est-à-dire de la bonté envers les parents, et que nous tous on doit pratiquer après le tawhid, hein, après l'unicité d'Allah, c'est le haq qu'on doit donner, qui est le plus grand, c'est quoi? C'est celui des parents, hein? Regardez, ou écoutez plutôt cette histoire. Moussa alayhi salatu wa salam, il faut que je laisse la place un petit peu pour Nourdine, avant la dame, même sur le retard de 5 minutes. Elle est rapide, taïe. Moussa alayhi salatu wa salam, un jour, il a fait du'a. C'est dans un hadith sahih. Il a fait du'a. Il a dit, ya Allah, il a dit, monte-moi un de mes compagnons fil Jannah, qui sera avec moi, fil Jannah. Et Allah Azza wa Jalla a voulu lui révéler cela. Yani a voulu lui montrer un de ses compagnons fil Jannah. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُتِيهِ مِنْ يَشَاءُ. Allah hein, l'a rempli de mérite, yani, l'a rempli de sa grâce. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors Allah, il a révélé à Moussa, comme c'était un prophète, il avait les révélations, il lui a dit, il y a un homme. Il lui a dit à un homme, à tel endroit, va le rejoindre. Il arrivait devant une grotte. Il y avait une femme, un peu vieille, et un homme avec cette femme-là. Quand il a vu cet homme, qu'est-ce qu'il a dit Moussa ? Alayhi salatu wassalam. Il voyait l'homme, il partait, il venait, il s'occupait d'elle, il lui donnait à manger, il repartait, il revenait, etc. Et il voyait qu'il s'occupait très très bien d'elle. Moussa, il est venu s'approcher de lui. Il dit, oh Foulen, où est-elle? Il lui a dit, qui est cette femme? Il lui dit, c'est ma mère. Il lui dit, c'est ta mère? Il lui dit, non, c'est ma mère. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais pour elle? Il dit, je m'occupe d'elle. Je m'occupe d'elle. Il lui a dit, et qu'est-ce qu'elle te dit en échange? Ou qu'est-ce qu'elle te fait hein, en échange? En échange de ce bien qu'il lui apporte. Subhanallah al-Azim. Il lui dit, l'homme il lui dit, moi je ne prends rien en échange d'elle, mais je l'entends juste dire tout le temps une dua, tout le temps faire une invocation. Il dit, quelle est cette invocation? Moussa alayhi salam lui dit, il dit, c'est quoi cette invocation là? Il lui a dit, elle dit, Allahumma ij'al ibni hadha rafiqan li Moussa fil Jannah. Elle lui a dit quoi? Elle a dit à Moussa, l'homme lui a dit, j'entends toujours dire ma mère, ô Allah, ô mon Seigneur, fais que ce fils soit un compagnon de Moussa au paradis. Moussa lui a dit, je viens t'informer qu'Allah m'a révélé que tu fais partie d'une des personnes qui sera un de mes compagnons au paradis, car je suis Moussa. Allahu Akbar. Regardez Berwalidi. Regardez la bonté pieuse avec les parents. Alors, ihdaru. Ihdaru, barakallahu fikum. Prenez garde hein, à celui qui fait du mal à ses parents. Cela n'est pas du bon comportement. Qu'Allah récompense les membres de cette association. Et barakallahu fikum.